Sorcier, une pièce en un acte de Roger Gaillard. Avec l'aimable accord des éditions L'Avant-Scène Théâtre et de la Société des gens de lettres. La distribution est la suivante. Catherine de Médicis, Janine Milange, Nostradamus, Bruant d'Almeval, Le Berger, Sacha Cordier et Lancelot, Orphélia. La salle basse où travaille Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus. Dans une maison qu'il possède sur la colline, aux environs de Salon de Provence, sa ville natale. C'est un soir d'automne, transparent, avec un ciel sans limite, comblé d'étoiles. Nostradamus, vêtu d'une robe en bure violette, évoque quelques prélats romains qui auraient la barbe de Moïse. Il feuillette un pesant grimoire, tandis que Lancelot, son disciple, adolescent au visage plein de gravité, range ça et là dans la chambre. Ne ferme pas la fenêtre, enfant. Il fait bon. Méfiez-vous de prendre froid, mon maître. Les soirées sont perfides en cette saison. Pas chez nous. Dans nos pays, octobre est un deuxième été. Nous n'habitons pas les contrées du Nord, Lancelot. Merci à Dieu. Quand je suis allé l'année dernière rendre visite au cher Pierre de Ronsard dans son fameux Vendômois qu'il chante à longueur de journée, je grelottais sous mes fourrures et septembre commençait à peine. Laisse ouvert. Je veux voir arriver d'ici notre visiteuse. Quand a-t-on dit qu'elle viendrait ? Le majordome qui nous a dépêchés ce matin assurait que sa maîtresse serait là, vers les 9 heures de la veillée. Mais il n'a pas révélé son nom. Elle vient d'Arles, voyageant à dos de mule, et bien escortée, paraît-il. À dos de mule, la nuit. Et c'est une dame de haut lignage, à ce qu'il semble. Une dame impatiente, en tout cas, et pressée. Peu de femmes dans le royaume se soucient de chevaucher par les campagnes, fût-ce un mulet. Elles aiment mieux la litière, dont les rideaux les préservent du vent qui brouille le teint ou du soleil qui les fait noiraudes. Je serais curieux de voir cette voyageuse intrépide. Quelle heure annonce le sablier ? Bientôt la 9e heure. La dame n'est pas loin. Vous n'avez pas besoin de savoir l'heure, mon maître, puisqu'en fermant les yeux seulement, vous voyez ce qui se passe loin d'ici, et même ce qui se passera demain et l'année prochaine, et bien plus tard. Les voyants ne voient pas toujours, et les devins se trompent. Combien qui croient annoncer l'avenir ne font que tâtonner dans le passé, aussi déformés d'ailleurs, aussi méconnus que les jours futurs, quand ils appartiendront aux jours révolus. C'est pourquoi les kabbalistes que je te fais étudier ont enveloppé leur formule de tant d'obscurité douteuse, et si commode. Moi-même, qui ai reçu du ciel un don, rare, je le reconnais, je me perds parfois dans la forêt des symboles. Je traduis péniblement un message incomplet, comme dans un langage que j'aurais su jadis et que j'aurais presque oublié. Six. 7, 8, 9. Allons, notre visiteuse est exacte. Une petite troupe gravit le chemin. Et cette femme en noir, sur sa mule blanche. C'est bien ce que je pensais. Prends la chandelle, Lancelot, et va jusqu'à la porte. Guillaume, aide-moi à descendre, mon garçon. Ne bâille pas la lune, il n'y en a point. Et donne à boire à cette bête, elle est plus fourbue que moi. C'est ici la maison de Michel de Notre-Dame ? C'est bien ici que votre seigneurie veuille entrer. « Bonsoir, Nostradamus. Soyez la bienvenue, madame. Vous m'attendiez ? On m'avait averti. Que puis-je faire pour votre service ? Me laissez vous regarder d'abord. Père Baco, vous avez les yeux bleus, bleus comme l'eau des lacs. Comment pouvez-vous voir tant de choses avec ces yeux d'enfant ? Les enfants voient plus loin que nous, quelquefois. Ils ont des prunelles toutes neuves. Cette barbe longue et frisée vous rend, il est vrai, une gravité que vos regards démentent. Voilà donc l'illustre Nostradamus, un adolescent à barbe grise. Madame est déçue. Non, étonnée, et plus encore par la simplicité monacale de ce laboratoire. Où sont les fourneaux et les alambics, grand homme ? Je ne suis pas alchimiste. Tes tarots de bohème, ta baguette de coudrier ? Je ne suis pas nécromancien. Et tes cartes du ciel, ta lunette, le globe où sont gravés les 12 signes ? Je ne suis pas astrologue. Qu'es-tu alors ? Que fais-tu ? Veux-tu me le dire ? Je vois. Je vois par éclairs. Et j'essaie d'enfermer ces éclairs dans des quatrains maladroits que je tire de moi avec peine, comme la fourmi délivre son miel pour nourrir les pucerons aveugles. Entre la cécité des autres et ma vision momentanée, il n'y a que le temps de la foudre. Tu es bien subtil. Je crois te comprendre pourtant. Je suis venu de très loin pour te consulter, Michel de Notre-Dame. On m'a chanté merveille à ton sujet. Mais je ne prends pas chat en poche. Laisse-moi te mettre à l'épreuve. Tu vois, dis-tu... Par moment. Tu me vois dans cette lumière avare ? Oui. Je vois une femme de noble allure, en robe noire et guimpe blanche. Un bonnet noir sur les cheveux, elle croise des mains très blanches. Ce n'est pas mon image visible que je te demande de décrire. Un domestique avisé en ferait autant. Pas mon image invisible, l'envers de moi, ce qui n'est pas inscrit sur ma personne. Soit. Laissez-moi fermer les yeux. J'attends. Vous êtes veuve, madame. Il vous reste 3 fils. L'un vit près de vous, l'autre loin de vous. Le troisième est sans cesse en voyage. Vous avez marié avantageusement l'une de vos filles. Vous cherchez en vain à placer l'autre. Vous habitez une vaste demeure, plus turbulente et difficile à mener que les 12 maisons planétaires. Vous êtes tenace et triste, méfiante et pleine de sagacité. Vous accouplez dans vos armoiries le lion puissant de la maison des Valois et le rusé renard italien. Vous êtes né à Florence. Vous logez à Paris. Et je m'appelle ? Catherine, de la branche des Médicis, fille de Laurent le Magnifique, veuve du roi Henri II, mère du roi Charles IX, du roi de Pologne et du duc d'Alençon, régente du royaume d'Hélice, alliée, pour l'instant, d'Élisabeth la Sournoise et du Coteleux Philippe d'Espagne. Je crois avoir nommé toutes les dynasties d'Europe. Elles sont entrées avec vous dans ma maison des collines qui n'a jamais vu tant de rois. C'est tout ? Ce n'est pas assez. Presque trop, peste ! Tu as de bons yeux quand tu les fermes. On ne m'avait pas trompé. Comme Ruggieri, le meilleur de mes astrologues, ne te va pas à la cheville. Quel pouvoir tu détiens, Michel ? Moins grand qu'on ne pourrait croire, madame. Votre Majesté me permet-elle, en présent de bienvenue à ma souveraine, de démonter devant elle les rouages de ce mystère qui a paru l'interloquer ? Veux-tu prétendre que tu m'avais déjà vue ? Qu'on t'avait en sous-main révélé qui j'étais ? Non pas, non pas. Il n'y aurait plus aucun mérite. Je n'ai jamais eu l'honneur d'apercevoir votre majesté, même en rêve. Mais, dans l'art du devin, la réflexion entre pour une bonne part, et le calcul des vraisemblances. Explique-toi. Je savais la reine en voyage, depuis des mois. Je n'ignorais pas que les régions méridionales sollicitaient son attention, qu'elle avait rendu visite à son neveu le Béarnais, honoré de son passage certaines places fortes du Languedoc, où grandit trop vite à son gré l'influence huguenote. Ce parpaillot foisonne comme la mauvaise herbe. Alès, Nîmes la Romaine, ne sont guère éloignés du pays des olives, où Nostradamus médite ses oracles. Les centuries. J'en ai dévoré le premier livre. Il m'a fait trembler plus d'une fois. On vient m'annoncer qu'une dame de qualité désire me rendre visite, la nuit, pour n'être point reconnue. Que votre majesté me pardonne, mais qui pourrait voyager par les chemins nocturnes avec une escorte et dissimulant son visage, sinon les reines ou les malandrins? Je te pardonne, car tu me divertis. J'ai peu d'occasion de sourire. En outre, la mule blanche de la reine-mère est aussi célèbre dans le royaume que la mule du pape. Les dames ne vont qu'en litière ou à cheval. Je vois donc entrer une inconnue, vêtue de son deuil éternel. Hélas! Coiffée d'un bonnet qu'elle est seule à porter de Paris jusqu'à Rome. On connaît donc mon bonnet par ici. Le premier mot qu'elle prononce est un juron toscan, perbaco. Mon diable d'accent florentin, je l'oubliais. Et la lèvre énergique, dédaigneuse, popularisée par les images. Ma lippe, Nostradamus. Oh, madame. Ma lippe, je dis bien, le feu roi me l'a reproché assez dans ses meilleurs moments. La lippe de Catherine, en ai-je souffert de cette bouche pendante? Votre majesté se calomnie. Non. Je me connais, c'est ma qualité cardinale. Ah, ragazzo, tu m'en imposais avec ta magie divinatoire. Ce n'est que de l'intelligence, voilà tout. Venant de Madame Catherine, quel plus beau compliment. Trêve de mignardise, tu m'as expliqué l'un de tes tours, celui que tu réserves aux croquants et berlués. Je m'y suis laissé prendre aussi sottement qu'eux d'ailleurs. Mais de toi, Catherine attend autre chose. Des conseils? Non, des certitudes. Pour le présent? Et pour l'avenir. Je ferai tout le possible. C'est l'impossible que je réclame, Michel. J'en ai besoin. Le miracle n'est pas une entreprise humaine, madame. Adressez-vous à Dieu. Dieu ne répond jamais. Allons, voilà que je blasphème. Non. Je voulais dire, comprends-moi, les requêtes que nous lui envoyons passent par trop de mains. Il y a entre les princes et Dieu tant d'archevêques, d'évêques, de chanoines, d'abbés, de diacres et de sous-diacres, sans compter le Saint-Père et les huguenots maintenant, qui veulent mettre le Seigneur en tutelle et l'annexer à leur profit. Les affaires du ciel sont plus embrouillées que les nôtres. Nous ne lisons pas une pétition sur 20, pas un placé sur 50. Et bien souvent, nous les signons sans les lire. Alors tu imagines là-haut. Il n'y a ni bas, ni haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Qu'est-ce que tu marmonnes? Une des rares formules de la doctrine secrète qui expose une vérité incontestable. Bas et haut, droite et gauche, dedans et dehors sont des illusions de nos sens. Ces mots ne signifient rien. Béquilles pour infirme. Je n'ai jamais pu entendre une voix terrestre crier dans le vide « Va-t-on enfin s'occuper de moi là-haut » sans avoir envie de pleurer ou de sourire, ce qui est parfois la même chose. Tu ne crois pas non plus que Dieu nous aide? Il existe pourtant. Tes prophéties sont pleines de son nom. Il faut bien désigner l'inconnu, donner un nom à l'espérance. Et les troupeaux perdus ont besoin de croire, quand ils marchent sans guide, qu'un pâtre invisible les conduit. Mener les troupeaux, c'est affaire royale. Le sceptre est un bâton de berger. Il doit mordre le sol, écarter les loups, corriger les chiens qui musardent et même briller la nuit comme la baguette des enchanteurs. J'ai connu quelques enchanteurs, madame, mais leur baguette n'éclairait point. Te moques-tu ? Ai-je devant moi Nostradamus, le prophète ? Ou n'es-tu qu'un vieil écolier incrédule qui rabâche une leçon qu'il a mal apprise ? À quoi te servent tes grimoires ? À engraisser les rats ? Non, madame, à mesurer mon ignorance. Quand on sait qu'on ne sait presque rien, on est bien près de tout savoir. Vous n'attendiez pas de moi, je suppose, les recettes du grand Albert ou les formules du dragon rouge, ces fariboles que vendent les bohémiens aux rustos de nos villages. Je soigne l'âme, quelquefois. Je tâche d'en déchiffrer les énigmes. C'est en quoi je puis vous être utile. Mais je ne connais pas d'incantation contre la fièvre, ni d'amulette pour chasser les mauvais esprits. Je n'ai jamais, vous l'avouerai-je, rencontré d'esprits, mauvais ou bons. Croyez bien que je le regrette. Tu n'es pas celui que j'espérais. Tu doutes. Au fond, tu n'es pour rien dans tes prophéties. Quelqu'un parle en moi. Ce n'est pas moi qui parle. Ce que j'écris, on me le dicte. Et ce prodige, comment l'expliques-tu ? Je le constate. C'est déjà prodigieux. Eh bien, c'est moi qui parlerai. Les deux pieds sur la terre, puisque tu me refuses le secours du ciel. Ou d'ailleurs, je te parlerai sans imposture, ni faux semblant. Comme à votre médecin ? Grand Dieu, je lui cache la moitié de mes misères, de peur que trop de remèdes me tuent. Comme à votre confesseur ? Oui, je ne lui dis pas tout, loin de là. Peccato ! Mais que veux-tu ? Je me défie de tout le monde. Comme à vous-même, alors. Oui, les jours où je suis de mon avis, je ne me trouve pas toujours d'accord avec moi, Michel. C'est un de mes tourments. Que votre majesté se rassure. Tous ceux qui pensent sont dans son cas. Sais-tu pourquoi j'aime le pouvoir, Nostradamus ? Pourquoi je ne veux ni le perdre, ni le remettre à d'autres ? Pourquoi je souhaite chaque jour l'épaissir et l'étendre comme ces marchands qui ne vivent que pour accroître leur négoce jusqu'à la mort et par-delà ? Sais-tu pourquoi je l'aime, ce pouvoir, si ardemment ? C'est qu'il m'a aimé. Personne ne m'a aimé que lui. Pourtant, madame... De ce roi, mon époux, tu plaisantes. Il m'a engrossée en pensant à une autre, hélas. Non, le roi n'a aimé que sa drôlesse. Diane de Valentinois, cette vieille géniche minaudière que la postérité prendra pour une gazelle à cause de son niais de sculpteur, Jean Goujon, qui voit tout en beau. Oui, le pouvoir. Cet élément sans visage, cet être sans forme et sans sexe, il m'a servi, obéi, il s'est laissé prendre. Il m'aimait, quoi. Je le sentais bien. L'exercice de la puissance, l'appétit de dominer, voilà mes galants, voilà mes mignons de couchette. Oh, ce n'est pas vanité, ce sentiment n'a rien d'ostentatoire. Il est secret. Dirigé même dans l'ombre, gouverné en retrait, dénouer des fils que nul ne savait dans vos mains, tendre des pièges sans y tomber, plier s'il le faut, puis en se redressant, cingler la face de l'adversaire comme une cravache. Que lit trempé d'amour, dis-moi, vaudrait ce plaisir-là, Michel, cette joie couvée sous ma robe noire, derrière mon front cireux de vieille abbesse, cette joie qui me brûle, qui consume tout mon dedans. Comment le saurais-je, madame? Je n'ai jamais régné que sur des livres. Touche ma main. Votre majesté bat la fièvre. Si tous les gueux du royaume, par les hivers de neige, avaient pour se chauffer un peu de ce qui brûle dans ma poitrine, personne en France n'aurait plus froid. Ce serait un grand bien. Façon de parler. J'ai soif. Madame veut-elle goûter mon vin muscat? Non, un peu d'eau de cette cruche que je vois fraîchir sur la fenêtre. Merci. Que font mes gens? Ils somnolent à l'ombre de leurs chevaux, qui dorment debout. Comment peut-on dormir? Votre majesté ne repose jamais? Bien peu, car cette joie que je t'ai peinte tout à l'heure, cette délectation qui colle à ma peau sous mes jupes, comme la tunique d'Hercule, elle a sa doublure de douleur. Jouir trop souvent devient une souffrance. Et je sais. Et tant d'obstacles autour de moi, tant de convoitises, toutes les puissances magiques ne suffiraient pas à m'en préserver. Moi, la régente, sur qui nul n'a le droit de porter les mains sans risquer la torture. Je souffre le supplice des tueurs de rois. Oui, je suis écartelée, Michel. Non pas à quatre chevaux, tirés à quatre fauves, c'est pire. Chacun a l'un des quatre points cardinaux du royaume. Et cela dure depuis 15 ans. Que voulez-vous dire, madame? À l'est, le taureau de Lorraine, front bas, regard fuyant, qui attend le moment de foncer. François de Guise. Coligny, à l'ouest, vieux bouc déguisé en mouton et qui voudrait brouter sur mes domaines. Au nord, la panthère anglaise Élisabeth, cachant sous ses gants brodés des griffes aiguës. Au sud, enfin, Henri de Navarre, le sanglier béarnais, glouton comme ses cousins les pourceaux, puant la sauvagine à 10 pas. Mes retors, mes patients, le plus à craindre, celui-là guigne Paris, excusez du peu, de ce carré d'animaux féroces. 3 sont protestants, 2 sont ligueurs. Et la séquelle parpaillote et la sainte ligue, qui n'a de sainte que le nom, leur pique tour à tour le derrière, afin de m'écarteler plus fort. Les condamnés sont moins tourmentés aux galères. Le pouvoir a ses croix. Prends tout ce que tu veux, dit le destin, mais paye le prix. C'est cher. Je n'ai jamais marchandé. Et c'est pour garder le pouvoir et le posséder jusqu'au bout que votre majesté supporte de souffrir en silence, j'imagine. Certes, ceux qui se plaignent sont déjà vaincus. Vous suez, vous serrez les dents, ainsi qu'un martyr sur la claie. Que de vaillance. On souffre tout de ce qu'on aime. L'amour est une géhenne aussi. Mais il y a des soirs où je me sens moins forte, menacée par plus d'adversaires. Le temps, d'abord, qui va plus vite que nous. Le temps s'en va. Le temps s'en va, madame. Las, le temps, non. Mais nous, nous en allons. Bientôt serons étendus sous la... Tais-toi ! Quelle trouble faite ! Ce ronçard, il sonne le glas sans trêve. Vous vieillirez, ma sœur, il faut mourir. Ce paillard est un prêcheur manqué. Votre majesté me disait donc... Oui, qu'il y a des soirs où la force manque, où l'épaule fléchit. Alors, ces soirs-là, ne trouvant de secours ni en soi-même, ni chez autrui, ni en Dieu, on sort du Louvre, après le couvre-feu, par une porte qui donne sur la grève. On gagne par le quai désert le pont des Tournelles, où semble sommeiller une maison obscure. On frappe à l'huisse le nombre de coups convenus. Et l'on va chez Ruggieri, le sorcier, se plonger dans un bain de chimères, interroger les cartes et se faire tirer l'horoscope, comme on prend médecine. Tu recommences à voir, ce n'est pas trop tôt. Et, certaines nuits, dit-on, quand les poupées de cire percées de 7 épingles, quand les talismans consacrés aux esprits d'en bas sont restés sans effet, le nécromant devient parfumeur ou droguiste, fait macérer certaines plantes, prépare certains gants, accommode certains bouquets. Et 8 jours après, on conduit à l'église, couché sous un drap noir, quelque bonhomme qui a cessé de plaire ou qui gêne et dont la perte vous touche peu. Arrêtons-nous là, Nostradamus. Ces images appartiennent à ma légende. Attendons que je n'y sois plus pour me calomnier. Présentement, je vis et je compte vivre longtemps. Rien ne m'est plus aisé que de clouer la bouche au compteur de sornettes. Je tiens aussi à ma renommée, madame. Que les charlatans de Paris profitent des rares instants où la reine a la faiblesse de recourir à leur simagré. Mais elle sortira de ma maison plus forte et raffermie, je pense, parce que j'ai refusé de la duper et de lui mentir. Plus tard, elle m'en remerciera. Qu'en sais-tu, présomptueux ? Qui te dit qu'en te quittant, je ne vais pas donner l'ordre de te faire arrêter ? Pour fait de sorcellerie ? Pour m'avoir extorqué trop de confidences ? Oh, que nenni, madame ! Je ne me vois pas en prison demain matin. Et pourquoi cette certitude, je te prie ? Votre Majesté oublie mon très humble don de voyance. Je m'en sers pour moi-même, quelquefois. Que se passe-t-il ? D'où vient cette lumière ? C'est la nuit qui est entrée, madame. Tu veux rire ? Ce ruissellement, cet étincellement, tu appelles cela la nuit ? C'est la nuit de nos contrées. En juillet, elle brille plus encore. Mais nous voici au début de l'automne. Mon Dieu, mais ce n'est pas le même ciel. Il n'y a pas sur le Louvre, ni sur Blois, ni sur Annette, un ciel semblable. Ce sont d'autres étoiles, où il y en a 100 fois plus. Ce sont les mêmes, madame, mais on les voit mieux. Michel, il faut que j'envoie ici Côme, mon astrologue, et d'autres. Ils verront des astres qu'ils ne connaissent pas. Nos cartes célestes sont tronquées, incomplètes. Voilà pourquoi leur thème renferme tant d'imprécisions. À quel horoscope ils me feront à leur retour ? Je me passerai bien de leur visite. Viens, allons dehors, sortons. Diavolo, les arbres obstruent la moitié de l'horizon. Tu as bien une terrasse, une tour pour observer les comètes ou les éclipses. Non, je n'ai pas de tour d'astrologue. Mais je possède un colombier. Il fera aussi bien l'affaire. J'allume une lanterne. Nous y voilà. Cordieu, quelle fresque ! Présente-moi ton ciel, veux-tu ? Conduis-moi. Votre Majesté connaît les astres mieux que moi. N'importe, je les lui désignerai à ma manière. Voici, madame, l'assemblée des étoiles, mes belles amies depuis la prime enfance, car j'épelais leur nom avant d'apprendre à lire. Et je les égrène encore au soir de ma vie comme un rosaire. Écoutez ces noms de velours. Cassiopée, Aldébaran, Bételgeuse. Oh, voyez Saturne et son anneau de cuivre. La planète des malchanceux. Mars, rouge et pesant, qui s'avance avec gloire, et Vénus qui le suit de loin. Mars, sous le signe des poissons, Vénus influencée par le taureau. Ah, et Sirius, cette perle rose. À quoi bon réciter tout l'armorial? Les mages de Chaldée le savaient déjà par cœur. Pourtant, voyez là-bas, exactement à la pointe du cyprès, voyez cette étoile petite et solitaire qui a l'air de ne pas vouloir se mêler aux autres. Il y a longtemps que je l'observe. Certaines nuits, on la distingue à peine. Elle n'est pas fixe. Sa flamme est faible et elle cligne. Regardez, elle cligne, comme un œil fatigué. Oui, je crois l'entrevoir. Quel est son nom? Je n'en sais rien, mais c'est elle que je préfère. Elle n'est pas heureuse. On dirait qu'elle défend sa veilleuse contre un souffle qui ne la laisse pas en repos. Moi, je lui ai donné un nom, qui ne vaut que pour moi, que je suis seul à connaître. Je l'appelle Justice. Elle force pour mieux guetter son œil qui cligne et qui s'épuise. Et je l'entends murmurer parfois avec sa voix de grillon au bord du ciel. Il y a bien quelque part ici-bas une heure pour la justice, mais elle n'a pas sonné au cadran de ce monde. Tu parles comme le saint livre. La justice, les rois eux-mêmes la rendent avec peine. La justice absolue, unanime, son règne n'est pas pour demain. Hélas. Je le crains, madame. En France surtout, où la moitié du royaume s'apprête à massacrer l'autre pour des questions de théologie. Ne parlons pas politique, veux-tu? C'est de religion que je parlais. Tu sais bien que c'est la même chose. Qu'est-ce qui vient là-bas sur la route? Ce n'est qu'un troupeau, madame. Et bien maigre. Tenez, il sort de l'ombre. Le petit berger tient un fanal. Le bélier en tête. Puis quatre ou cinq brebis. Et l'âne, qui porte deux agneaux. Ils vont à la montagne? Non, les troupeaux n'émigrent pas encore. On les mène sans doute en Avignon. Pour les vendre? Ou pour les abattre. Célébrer mes noces, célébrer mes noces, à la Saint-Barthélemy, dans un beau carrosse. Nous aurons le pain béni, l'évêque et sa crosse, des gâteaux du vin d'anis, le jour de mes noces. À la Saint-Barthélemy, à la Saint-Barthélemy, à la Saint-Barthélemy. J'ai froid. Le vent fraîchit toujours au petit matin. Ce n'est pas le vent, c'est cette chanson. Cette chanson m'a donné froid tout à coup. La reine est fatiguée. Non, je sais faire la part entre les malaises du corps et d'autres angoisses. Je ne sais ce que je ressens. La nuit est pleine de présages, de signes. Tu l'éprouves aussi, Michel? Oui. Descendons. Ce saint de la chanson, ce Barthélemy, est-il au calendrier? Sans doute, madame. Un des 12 apôtres. Ce n'est pas un saint très connu? Il le deviendra peut-être, bientôt. Pourquoi dis-tu cela, Michel? Pour quelle raison dis-tu? Mais pour rien, madame. Sans raison. Que votre majesté se ressaisisse. Ces mots m'ont échappé, involontairement. Oui, comme tes oracles. Ruggieri prétend qu'il y a des saints maléfiques, comme il y a de bons diables. L'existence des diables me paraît incertaine. Et pourquoi n'y en aurait-il pas ? Oh, ce serait trop simple. Mécréant ! Mais l'homme existe, lui. Et la femme. Cela suffit bien. Le premier coq. C'est l'heure des prédictions. Madame, je vous annonce l'aurore. Encore un jour. C'était « La reine et le sorcier », une pièce en un acte de Roger Gaillard. Avec Janine Milange, Bruand d'Almeval, Sacha Cordier et Orphelia. Réalisation et montage, Natalia Finzel-Romanova.